c'est l'heure de la chronique Conso en compagnie de Joëlle Constanza. Elle est donc chargée de communication, encore et toujours, à l'UFC Que Choisir. Notre Joëlle, bonjour. Bonjour. Bon alors, est-ce qu'elle va nous remonter le moral cette semaine? Parce que la semaine dernière, on a quand même parlé du chocolat presque empoisonné. Non, aujourd'hui, on l'a mangé, donc ça nous a remonté le moral. Aujourd'hui, vous allez nous parler de pêche et notamment de pêche d'anguille. Eh oui, et je vais vous commencer par vous poser une question. Alors, connaissez-vous le point commun entre l'orang-outan, le rhinocéros de Java et l'anguille européenne? Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu en danger, ces espèces? Eh oui, ces trois espèces sont classées en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, et ça depuis 2008. Alors, en fait, pour ça, les scientifiques préconisent un arrêt total de la pêche de l'anguille, et en particulier de la civelle, sa phase juvénile. Alors, je dois avouer que vous m'avez un petit peu perdu là. La civelle, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est une anguille. Alors, pour faire simple, l'anguille a un cycle de vie qui comporte trois étapes. Alors, la petite anguille, en fait, elle commence sa vie dans la mer des Sargasses. Vous savez, c'est au large des côtes des États-Unis. Donc, elle commence sa vie là-bas sous forme d'un petit alevin qu'on appelle justement la civelle. Et cette petite civelle, qui est vraiment toute petite, elle traverse l'Atlantique jusqu'à l'Europe, pour ensuite remonter les fleuves. Et c'est dans les fleuves, donc en eau douce, qu'elle va grandir. Donc cette première phase de croissance, on va dire d'adolescence, c'est l'anguille jaune. Et puis au bout de 5 à 15 ans quand même, quand elle est adulte et qu'elle devient une belle anguille argentée, et elle se dit à ce moment-là, ouhou, mais il faut que j'aille me reproduire. Et donc elle repart vers l'océan, elle retraverse l'Atlantique et elle va dans la mer des Sargasses pour se reproduire et ensuite pour y mourir. Et là-bas, le cycle se répète à l'infini, comme ça, voilà, tout le temps. Alors, ok pour la civelle, mais quel est le problème pour l'anguille? Alors, en fait, en fin 2025, il y a plusieurs associations qui ont appelé l'État à décréter un moratoire sur la pêche à l'anguille et à la civelle, afin justement de rétablir un peu cette espèce. Parce que, en fait, les populations de ce poisson se sont effondrées de plus de 90%, c'est quand même énorme, depuis les années 80, et même de plus de 99% depuis les années 60. Et en fait, la pêche serait la principale cause de cet effondrement. Et quand l'anguille est-elle pêchée alors? Alors en fait, la pêche se fait essentiellement sur les civelles, quand elles remontent nos fleuves, et surtout nos fleuves français. Alors, par exemple, on va parler de chez nous. La pêche à la civelle, elle se fait normalement souvent dans l'estuaire de la Loire, dans le bassin de la Loire. Et depuis 2006, en fait, cette pêche est réservée aux professionnels. Parce qu'on a interdit, en fait, même depuis 2009, cette interdiction de pêche récréative à la civelle à tout le territoire français. Alors, cette pêche, elle est très encadrée maintenant depuis 2009. Les captures de civelles sont soumises à des quotas, justement dans le cadre du plan de gestion anguille France. Mais ce sont quand même des quotas de pêche de plusieurs dizaines de tonnes de civelles. Donc, je rappelle, ces tout petits poissons, ces toutes petites anguilles qui sont accordées chaque année par la France aux pêcheurs professionnels. Professionnels, on précise bien. Oui, professionnels. Comment elle se passe, cette pêche? Alors, en fait, la pêche professionnelle à la civelle, elle est pratiquée en bateau, à l'aide de deux grands tamis circulaires. Et puis, la période de pêche dure 5 mois. Et puis, la période est décalée selon les estuaires, en fait, afin de correspondre au schéma de migration de la civelle le long des côtes. Donc, par exemple, pour le bassin Loire, elle est autorisée du 1er janvier au 21 mars inclus, et du 10 au 30 avril inclus. Alors, bien sûr, sous réserve que le quota ne soit pas atteint avant. Et cette pêche, elle a lieu essentiellement la nuit, en fait. Alors, que faire? Tout d'abord, les scientifiques, mais aussi les associations environnementales, préconisent un arrêt total de la pêche de l'anguille, et en particulier de la civelle. Hein, ah oui, parce que c'est la pas dénué de sens. Bah oui, parce que la France reste quand même l'un des seuls pays autorisant encore la pêche à la civelle. Et ça pèse quand même 90% des volumes pêchés au niveau mondial. Donc c'est essentiellement en France que ça se passe, en fait. Et les associations, du coup, rappellent que la France, justement, a une responsabilité considérable dans la protection de l'anguille, puisque la France est située au cœur même de son aire de répartition. Mmh. Et donc, les associations réclament des mesures de gestion plus strictes de la part des pouvoirs publics, afin de laisser les populations se rétablir quand même. Mais alors, est-ce qu'il existe, à contrario, des opérations de repeuplement, et notamment sur notre belle Loire ? Oui, alors, c'est vrai. Hein, depuis une quinzaine d'années, donc, les pêcheurs professionnels de civelle doivent utiliser environ la moitié de leur prise pour des opérations de repeuplement avec un déplacement en amont des alevins pour favoriser la reproduction de l'espèce qui, je l'ai dit à plusieurs reprises, est gravement menacée. Alors, par exemple, en Loire-Atlantique, on a un centre de stockage de civelles entre Nantes et Saint-Nazaire. Donc, il récupère plusieurs centaines de kilos de juvéniles, des individus qui ont été capturés dans l'estuaire de la Loire. Et ces juvéniles qui sont destinés à être relâchés en amont, dans des endroits moins peuplés, et puis qui sont considérés comme plus propices à leur croissance en eau douce. Alors, bien sûr, c'est très bien, mais il faut être clair, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'efficacité de ces transferts artificiels de jeunes anguilles. Et puis, on ne sait pas trop s'ils seront prêts à repartir après en mer pour se reproduire. Bon, mais on va dire quand même que ça représente un espoir quand même. Est-ce qu'il y a des associations justement qui dénoncent aussi un trafic ? Oui, parce que il y a aussi l'existence d'un trafic international et je le dis clairement, extrêmement lucratif parce que le prix au kilo de civelle peut quand même atteindre 6 000 euros. Oh là là, ouais. Oui, car dans des pays comme la Chine ou le Japon, qui sont justement de grands amateurs de civelle. Ce sont des pays qui sont de grands amateurs de plein de choses rares et précieuses. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Alors, tout d'abord, on pourrait déjà commencer, nous, ne plus consommer ni d'anguilles et surtout pas de civelle. Il est également possible de participer à la consultation publique qui est ouverte jusqu'au 24 octobre, portant justement sur un projet d'arrêté ministériel de réduction du quota de pêche de civelle, parce que les volumes passeraient de 65 tonnes sur la campagne 2024-2025 à 55 tonnes pour 2025-2026, puis à 43 tonnes en 2026-2027. Mais alors, tout ça, c'est quand même encore insuffisant pour les associations qui, elles, je rappelle, réclament un arrêt total de la pêche pendant plusieurs années afin de laisser les populations se rétablir. Et ça, c'est important. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a une consultation publique qui est ouverte et qu'on doit sûrement trouver sur les sites d'État. Oui, il n'y a pas de problème. Malheureusement, la surpêche et le braconnage de la civelle ne sont pas les seules explications de l'effondrement de cette population. Alors non, ce serait beaucoup trop simple, parce que malheureusement, pour les anguilles qui ont échappé aux pêcheurs, il y a d'autres dangers, parce que comme elles se nourrissent dans les zones humides, les vasières, les adultes sont aussi victimes de la disparition de ces zones humides, mais aussi de la pollution des sédiments, au plomb, aux métaux lourds, et notamment dans les régions industrielles. Donc, aïe, aïe, aïe pour les pauvres anguilles. Il y a tellement d'autres bonnes choses à manger que d'aller chercher des petites civelles ou des anguilles. Merci en tout cas pour tous ces conseils, Joël. Prie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, toujours le mardi, toujours à 13h, dans cette chronique conso avec UFC Que Choisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.